Ça s'en éteint. Je suis country à donf, moi. C'est en ré ou en sol, c'est un open tuning, tu le refais sur une guitare, c'est un accord de ré ou un accord de sol, enfin sur le banjo c'est un accord de sol. En plus il y a un bourdon qui lui est en sol, ça te fait l'accordage sol, ré, sol, si, ré ou sol, do, ré souvent. Faut pas des cordes molles hein, sur un banjo, faut que ça pète. Hein. Thank you. mais il fait chier ce micro. Pourquoi il descend tout le temps, bordel? C'est sur Anouâtre, c'est entre Poitiers et Tours. les Beatles. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.